Matthieu chapitre 9. Alors, étant entré dans la nacelle, il repassa la mer, et vint en sa ville. Et voici, on lui présenta un paralytique couché dans un lit. Et Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie bon courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et voici, quelques-uns des scribes disaient en eux-mêmes, « Celui-ci blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi pensez-vous du mal dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé, ou de dire, « Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, « Lève-toi, et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit alors au paralytique, « Lève-toi, charge ton lit, et t'en vas en ta maison. » Et il se leva, et s'en alla en sa maison. Ce que les troupes ayant vu, elles s'en étonnèrent, et elles glorifièrent Dieu de ce qu'il avait donné une telle puissance aux hommes. Puis Jésus passant plus avant, vit un homme, nommé Matthieu, assis au lieu du péage, et il lui dit, « Suis-moi. » Et il se leva, et le suivit. Et comme Jésus était à table dans la maison de Matthieu, voici, plusieurs péagers, et des gens de mauvaise vie, qui étaient venus là, se mirent à table avec Jésus et ses disciples. Ce que les pharisiens ayant vu, ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il, avec des péagers et des gens de mauvaise vie ?» Mais Jésus l'ayant entendu, leur dit, « Ceux qui sont en santé, n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Mais allez, et apprenez ce que veulent dire ces paroles, « Je veux miséricorde, et non pas sacrifice. » Car je ne suis pas venu pour appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent à lui, et lui dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, et tes disciples ne jeûnent point ?» Et Jésus leur répondit, « Les gens de la chambre du nouveau marié, peuvent-ils s'affliger pendant que le nouveau marié est avec eux ? Mais les jours viendront que le nouveau marié leur sera ôté, et c'est alors qu'ils jeûneront. Aussi personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux habit, car ce qui est mis pour remplir, emporte de l'habit, et la déchirure en est plus grande. On ne met pas non plus le vin nouveau dans de vieux vaisseaux, autrement les vaisseaux se rompent, et le vin se répand, et les vaisseaux périssent, mais on met le vin nouveau dans des vaisseaux neufs, et l'un et l'autre se conservent. » Comme il leur disait ces choses, voici venir un seigneur qui se prosterna devant lui, en lui disant, « Ma fille est déjà morte, mais viens, et pose ta main sur elle, et elle vivra. » Et Jésus s'étant levé, le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme, travaillée d'une perte de sang depuis 12 ans, vint par derrière, et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Et Jésus s'étant retourné, et la regardant, lui dit, « Aie bon courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et dans ce moment la femme fut guérie. Or, quand Jésus fut arrivé à la maison de ce seigneur, et qu'il eut vu les joueurs d'instruments, et une troupe de gens qui faisaient un grand bruit, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Après donc qu'on eut fait sortir toute cette troupe, il entra, et prit la main de la jeune fille, et elle se leva. Et le bruit s'en répandit par tout ce pays-là. Et comme Jésus passait plus loin, deux aveugles le suivirent, en criant et disant, « Fils de David, aie pitié de nous. » Et quand il fut arrivé dans la maison, ces aveugles vinrent à lui, et il leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous me demandez ?» Ils lui répondirent, « Oui, vraiment, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux, en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts, et Jésus leur défendit avec menace, disant, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais eux étant partis, répandirent sa renommée dans tout ce pays-là. Et comme il sortait, voici, on lui présentait un homme muet et démoniaque. Et quand le démon eut été chassé dehors, le muet parla, et les troupes s'en étonnèrent, en disant, « Il ne s'est jamais rien vu de semblable en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « Il chasse les démons par le prince des démons. » Or Jésus allait dans toutes les villes et dans les bourgades, enseignant dans leurs synagogues, et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies, et toutes sortes d'infirmités, parmi le peuple. Et voyant les troupes, il en fut ému de compassion, parce qu'ils étaient dispersés et errants, comme des brebis qui n'ont point de pasteur. et il dit à ses disciples, « Certes la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson, qu'il envoie des ouvriers en sa moisson. »